France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Théorie de la connaissance, philosophie de l'immédiat, être ou savoir, agir ou penser, la philosophie de Vladimir Jankélévitch est avant tout une philosophie de l'immédiat. Est le sujet d'une série de 5 émissions proposées par Raphaël Antoven en août 2003 sur France Culture. Série dont voici le premier volet. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Vladimir Jankélévitch, la beauté du geste. Vladimir Jankélévitch, la beauté du geste. Présence lointaine de Vladimir Jankélévitch. Il y a deux façons pour tout un chacun de se détourner de l'apparence. La première consiste à se détacher du sensible, à se méfier de nos perceptions, à fuir ce monde d'illusions pour conduire son esprit vers des réalités absolues qui, elles, paraît-il, ne mentent pas. C'est ce qu'on appelle une théorie de la connaissance. La seconde, plus terre à terre, invite à nous affranchir des préjugés de la vie quotidienne, des lieux communs dictés par l'usage ou le besoin, tous ces intermédiaires qui jettent un voile entre nous et la réalité toute nue. C'est ce qu'on appelle une philosophie de l'immédiat. Il ne s'agit plus, ici, de se méfier des perceptions, mais bien de parvenir à une perception pure. C'est la philosophie de Henri Bergson, comme celle de son meilleur élève, Vladimir Jankélévitch, avec qui, pour aborder sa pensée, nous nous demanderons aujourd'hui s'il vaut mieux être ému par la vérité sans la connaître, ou bien connaître la vérité sans qu'elle nous touche. Être ou savoir, vivre ou réfléchir, agir ou penser, voilà l'alternative, là est la question. Comment être simultanément acteur et spectateur de sa propre vie? Comment réfléchir sur l'immédiat tout en l'éprouvant? Comment faire en somme pour vivre sans se regarder faire? Et peut-on clarifier le mystère d'une vie qui va de soi? Pour répondre à ces questions, pour en poser d'autres, et pour évoquer le parcours et la philosophie solaire de Vladimir Jankélévitch, j'accueille Lucien Gerfagnon, professeur de philosophie à la retraite. Vous avez notamment dirigé la publication des œuvres de Saint-Augustin dans la Pléiade, mais vous avez avant tout, si j'ose dire, été l'étudiant, l'assistant, puis l'ami de Vladimir Jankélévitch. Elisabeth de Fontenay, maître de conférence honoraire à l'Université de Paris 1, vous avez publié entre autres chez Fayard un ouvrage intitulé « Le silence des bêtes », mais si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous aussi avez été l'étudiante, l'assistante et l'amie d'un homme qui disait d'ailleurs que ses étudiants étaient en définitive ses seuls amis. Enfin, vous, Frédéric Worms, qui enseignait la philosophie à l'université de Lille 3. Alors, vous n'avez pas été l'élève de Jankélévitch, mais ce n'est pas grave puisque vous êtes un spécialiste de la philosophie de Bergson et l'auteur notamment d'un livre à venir intitulé « Bergson ou les deux sens de la vie ». Oh ben je ne regarde pas mon parcours, ça, je ne regarde pas mon parcours. Je n'ai pas à être l'historien de moi-même, si vous voulez, à me considérer comme je considère Platon, n'est-ce pas? J'écris au fur et à mesure de des variations de mon intérêt et même de mon humeur. Seuls parlent de leur œuvre, les vaniteux, à mon avis, les vaniteux, les gens qui montent sur un piédestal, qui sont très occupés à sculpter leur statue. Et moi, quand je traite d'un problème de philosophie, je pense au problème, je pense pas à mon œuvre. Alors après coup, ça fera peut-être une œuvre, j'en sais rien, c'est pas à moi à le dire et ni à le savoir. C'est du gâtisme de parler de son œuvre. Ça serait comme Dieu au septième jour, et Dieu vit que c'était beau. Je connais pas très bien la Bible, mais je crois qu'il dit ça à Dieu. Lorsque le boulot est terminé, excusez-moi, ce langage vulgaire, il vit que c'était bien. Je sais pas comment ça se dit en langue originale. Enfin, il vit que c'était bien. Mais moi, je suis pas le bon Dieu. Et je peux pas dire, comme le Seigneur, devant les œuvres des 7 jours, de l'Hexaméron, des 6 jours, mon Dieu, que c'est beau ce que j'ai fait. Considérée dans toute son ampleur, l'illusion rétrospective est une fiction dont on ne saurait exagérer l'importance sociale et la désastreuse ténacité. C'est vraiment l'idole par excellence. Elle reporte sur la fabrication la vertu de l'organisation et, à force de nous logiciser, nous empêche de nous connaître nous-mêmes. La femme de Lot, regardant en arrière, se change en bloc de sel, c'est-à-dire devient une statue inanimée et stérile. Orphée, regardant derrière lui, perd à jamais celle qu'il aime. J'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de manger tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de gronder tout le monde. J'ai envie de mettre maman en pénitence. Jean Kelevitch ne regarde pas son parcours, il ne s'occupe pas de sa postérité. Il laisse ce souci aux vaniteux qui louchent sur leur propre génie. Et il me semble que tout ça n'est pas anodin. Est-ce qu'on peut considérer derrière ce refus de se regarder soi-même qu'il y a toute une vision du monde, Lucien Gerfagnon ? Oui, il a été hanté par l'immédiat. Vous voyez, il a l'intuition d'un monde qui est emporté par le devenir, comme l'est sa propre conscience d'ailleurs. Il sait très bien que tout est en train de passer. Or, ce qui le hante, c'est pas d'abord ce qu'est ce monde ou ce qu'il est lui-même. Ce qui le hante, c'est qu'il y a un monde et qu'il y a une conscience, là, qui est en, tout ça est en train de surgir. De surgir d'où ? D'un au-delà absolument impensable. C'est là. Et je crois que celui qui a une très seule fois cette intuition de l'immédiat, de l'effectivité, eh bien, il ne s'en remet plus. Il ne s'en remet plus et il continuera jusqu'à la fin à attendre quelque chose qui ne serait pas fichu de définir. Frédéric Worms ? Oui, moi ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est effectivement cette pensée de l'immédiat et ce refus surtout de regarder en arrière parce que ça déforme le réel. Le réel, c'est quand on y est, c'est pas après coup. C'est non seulement une tentation, mais c'est une erreur et une faute contre l'esprit de regarder en arrière et ça déforme le temps qui est l'essence du réel. Et là, il est très proche de Bergson, évidemment. Il a même pensé à un moment, Jean Kelevitch, qu'il avait inspiré à Bergson sa critique de l'illusion rétrospective. Il a peut-être un peu exagéré sur ce point, mais en tout cas, ils sont très proches sur cette volonté de saisir le temps en train de se faire. Mais la deuxième chose qui me frappe, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire quand on déforme le temps, non seulement on se trompe parce que le temps c'est quand ça se passe et non pas après coup, mais là, il vit que c'était bien la bonne conscience qui non seulement regarde en arrière mais valorise ou critique, alors que en fait, on ne peut jamais savoir si on est dans le bien ou dans le mal, pas plus que dans le vrai ou dans le faux. Il faut le faire et puis c'est après coup qu'on juge. Aime savourer sa propre ferveur. Voilà, alors on se contemple rétrospectivement, non seulement donc on se trompe sur le temps, mais on se trompe sur ses actes, on se trompe sur la morale. Et là, je crois que c'est ce qu'il ajoute peut-être aussi à Bergson, c'est-à-dire cette idée, il vit que c'était bien. Alors, seul Dieu peut dire c'était bien. Moi, quand je me regarde en arrière... Ce non-regard en arrière, je le lirais plutôt au sentiment profond de l'irréversibilité. C'est ça. Et pas seulement à celui de l'immédiateté. Il a toujours été comme de ces écrivains et de ces officiers russes qui boivent des verres de vodka assis sur le rebord d'une fenêtre et puis qui naturellement jettent les verres après avoir bu, mais qui risquent aussi de tomber dans le vide. On n'en dira jamais à quel point il était russe. Et Jean Kelevitch théorise en quelque sorte dans cette citation de lui que nous avons entendue quelque chose qui a été un grand pâtir de sa vie, une passion au sens de pâtir, à savoir que il n'a pas pu ou voulu, mais les deux se confondent, faire œuvre. Vous savez, il y avait des belles choses de Foucault disant ben, « il ne reste rien de la signature, il ne reste rien, nous sommes des traces effacées par le vent ». Je trouve que Michel Foucault, l'œuvre de Michel Foucault a démenti. Alors que Jean Kelevitch, il y a vraiment quelque chose dans, on va appeler ça son œuvre tout de même, mais entre guillemets, quelque chose qui ne consiste pas vraiment. Et c'est tellement vrai qu'il a, il n'a pas cessé de réécrire les mêmes livres. Nous le savons tous, nous qui l'avons connu. Il n'a pas cessé de réécrire les mêmes livres. C'est comme si rien n'était jamais acquis. C'était un extraordinaire. Il y avait en lui, sur ce plan de l'écriture, sur ce plan de la beauté du geste, il y avait un mélange de gaspillage incroyable et en même temps de redite. Voilà, et c'est le mot qui me venait à l'esprit en vous écoutant, des redites, mais des redites qui chaque fois témoignaient d'une reconstruction à partir d'une intuition nouvellement surgie. C'est comme s'il avait tout oublié, qu'il recommençait, cet homme a recommencé à nouveau frais jusqu'à la fin. Et ça repartait. Voilà. Je crois que le retour éternel est une monstrueuse absurdité qui ne tient pas devant la réflexion et le raisonnement. Le fait que Nietzsche en parle dans Zarathustra ne m'impressionne pas. En détail comme en gros, le retour éternel est absurde. D'abord dans la vie de tous les jours, aucun instant ne ressemble à aucun autre. Il ne s'agit pas de l'uniformité ni de la ressemblance des moments les uns par rapport aux autres. Toujours un moment diffère d'un autre par un détail insignifiant. Tous les matins, je pars faire mon cours. Ça se passe le mardi matin. Mais jamais le décor du mardi n'est le même d'un jour à l'autre. Naturellement, c'est ce qu'il y a de plus uniforme dans mon existence. Mais un jour, il pleut. L'autre jour, il fait du soleil. Un troisième jour, je rencontre telle personne au milieu de la place, au milieu de la rue. Et même si, par impossible, un moment ressemblait à un autre, malgré tout, il en différerait parce que le deuxième a succédé au premier. Et que le premier exerce une influence sur le deuxième. Si vous voulez, le bon Dieu, n'est-ce pas, qui en lui-même se dit, il croit recommencer, mais moi je sais bien qu'il ne recommence pas. Je peux toujours concevoir une temporalité en globe à la précédente, succédant à la précédente, et en différant parce qu'elle la suit. Et n'est-ce pas, je crois que la croyance au retour éternel, c'est une débilité mentale, n'est-ce pas? C'est la débilité mentale de quelqu'un qui est incapable d'imaginer la temporalité ouverte. Oui, ce qui est frappant, enfin, je trouve, c'est que l'irréversible, justement, ça pourrait être le définitif, ce qui est d'une certaine manière définitivement perdu. Et c'est le cas, c'est-à-dire que quand on se retourne, justement, on perd ce vers quoi il ne faut pas se retourner, et qui est le passage du temps. Mais là, comme le disait Elisabeth de Fontenay, l'irréversible est mêlé à l'inachevé, et loin de nous plonger dans une sorte de pathos du passé, etc., ça nous relance en permanence vers, non pas tellement l'avenir d'ailleurs, que justement l'immédiat en train de se faire l'instant, le présent de notre expérience. Donc, l'éternel apéritif, en quelque sorte, si j'ose ainsi m'exprimer, une ouverture vers quoi tout est là. Exactement. C'est-à-dire, ce qui est frappant, c'est ce mélange très curieux de saisie de l'instant, de sens de la nostalgie, de l'anticipation aussi, et qui se mélange comme si les trois sentiments des trois dimensions du temps ne faisaient toujours qu'un. Chaque instant que nous vivons est également le dernier. Donc le propre des instants, c'est d'être ce qu'il appelle, c'est un adjectif qui lui était précieux, primultime. Le premier moment est aussi le dernier. L'acte d'écrire exige une parfaite innocence. Et l'innocence est de plus en plus rare dans ce guignol philosophique où l'opinion des autres est la gloire de paraître son reine, où tout commence par un manuscrit et finit par un manuscrit. La fragile innocence, l'éphémère modestie sont à la merci de la moindre réflexion de conscience, et la conscience a tôt fait de les déniaiser. Pour s'abstenir de ce regard sur soi qui est initiation à la vanité littéraire, pour refuser cette grande représentation théâtrale qui s'appelle la vie, une spontanéité à l'abri de toute tentation serait nécessaire, ou, si la spontanéité fait défaut, une vigilance de chaque instant. Car il ne suffit pas de renoncer au confort petit bourgeois d'un cénacle. Encore faut-il ne pas se laisser embrigader dans l'absence de cénacle. À quoi bon refuser de sculpter notre statue, de nous considérer comme l'auteur d'une œuvre, si c'est pour jouer le rôle du philosophe marginal, si c'est pour vendre du marginalisme, pour devenir le polichinelle de l'inachevé? De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que toute posture, y compris celle du marginal qui revendique son marginalisme, est-ce qu'on peut dire que toute posture est une imposture, Lucien Gerfagnon? Puisque c'est un regard sur soi, et nous savons très bien la façon dont nous regardons, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien la conscience nous sert tellement bien que lorsque nous faisons le bien, nous nous en apercevons, hein. Nous nous en réjouissons et nous finissons par être illuminés par notre propre ferveur, par notre propre générosité. On se dit c'est quand même pas mal. Or, c'est très précisément l'inverse qu'il faudrait faire pour Jean Kelevitch. Voilà, vous faites le bien et surtout vous n'y pensez plus. Frédéric Worms. Il y a cette posture paradoxale que Élisabeth de Fontenay soulignait aussi à sa façon, c'est-à-dire celui de l'inachevé qui se glorifie de l'inachevé. Et à l'époque de Jean Kelevitch, il y avait aussi cette sorte de mystique du fragment, de l'écriture, comme ça. Et là, on voit que, effectivement, si son œuvre est inachevée, c'est pas par posture de l'inachèvement, c'est pas par fascination pour le fragmentaire ou, etc. C'est en raison d'une posture, mais d'une obligation quasiment ontologique. C'est la vie qui est inachèvement, c'est pas l'œuvre au fond. C'est pour ça que d'ailleurs que j'aurais un doute sur l'absence d'œuvre, justement. Il me semble que le contraire de la posture, c'est justement l'œuvre qui médite sur l'inachèvement, sur son propre inachèvement, mais qui néanmoins est accomplie. Et il y aurait un risque à dire que l'œuvre elle-même est inachevée. Son thème, sa hantise, c'est l'inachèvement, ça c'est certain. Mais c'est une hantise qui ne devient jamais posture, justement parce que c'est aussi un concept, il me semble. C'est aussi un vrai concept philosophique et c'est une œuvre qui a sa logique, son argumentation. Mais Frédéric Worms, nous naissons et nous allons mourir, tous autant que nous sommes. Qu'est-ce que ça signifie, dire que la vie est inachèvement? Dire que la vie est inachèvement, c'est que justement, même dans l'instant fatal, d'une certaine façon, nous y sommes encore et nous ne savons pas ce qui... Nous pouvons pressentir quelque chose d'autre. Il n'y a jamais d'instant, même l'instant fatal, d'une certaine manière, est autre chose qu'un point final. Et la vie est autre chose qu'un texte qu'on lit après coup et qui se présente comme un ensemble. Donc c'est l'inachèvement du temps qui passe jusqu'à, y compris ou non compris, comme on veut, l'instant fatal. Mais là, on touche au thème de la mort qui, à travers la mort, tous les instants sont des instants fatals, d'une certaine manière, et insaisissables, nous donne de l'absolu, qu'il s'agisse de l'instant de joie ou de l'instant de détresse. Tous les instants ont quelque chose d'absolu qui brise l'achèvement, mais qui ne l'achève pas. Enfin, il me semble que c'est le paradoxe du temps, et c'est là que Jean Kelevitch, à la fois, accompagne Bergson et le contredit aussi. Bergson était sans doute moins fasciné par l'instant que Jean Kelevitch. Bergson était moins fasciné par la mort. Et justement, peut-être du même coup par la mort. Élisabeth de Fontenay. Moi, je suis très frappée par cette obsession de l'innocence dans l'écriture. Et qu'est-ce que c'est que cette espèce d'obsession de mettre le soi de côté, d'écarter le soi? C'est une obsession profondément chrétienne chez lui, profondément orthodoxe ou catholique. C'est tantôt, à mon avis. La façon dont il parle de la mort, quelquefois, n'est-ce pas? Oh, et même toujours dans tous ses bouquins, car il y revient souvent, et toujours une façon, ironique, drôle, sur le modèle de la rigolade, n'est-ce pas, le coup du monsieur qui a choisi une très belle cérémonie avec les petits fours, etc., pour claquer d'un transport au cerveau, etc. Il tombe, ça fait désordre, comme on dirait aujourd'hui, au milieu des petits fours, etc. Et chaque fois, il revient sur cette où il y a une dizaine de fois sur cette surprise, et toujours de façon humoristique, pour éviter de s'installer dans le tragique, dans tout ce en quoi on se complaît. Est-ce qu'on peut dire que, dans le texte qu'on a entendu, Jean Kelevitch décrit également l'inévitable embourgeoisement des idées neuves, en fait, la transformation malheureuse d'une idée neuve qui devient une idée reçue, ce dont nous faisons tous l'expérience, d'une parole qui, peut-être parce qu'elle est écrite, ou redite, ou imitée, perd de sa fraîcheur virginale. Oui, il suffit de regarder d'ailleurs la philosophie de cette époque-là, mon Dieu. C'était pas du tout le vide à l'époque, c'était, je dirais, le trop-plein, pour dire ça un peu comme le général de Gaulle. C'était le trop-plein. Ça a été longtemps la philosophie allemande qu'il n'aimait point. Et il ne s'en cachait, qu'il n'aimait plus. Il ne l'aimait plus depuis certains événements qui s'étaient passés, nous voyons tout de suite vers le milieu du siècle, comme on dit chastement. Et puis, après, bon, ça a été Sartre, on en a eu une véritable indigestion. Il y a eu aussi, et il le savait bien, ce que j'appellerais les prolétaires du boulevard Saint-Germain, qui étaient incollables sur Marx. Il y avait tout ça, et il n'aimait pas beaucoup ça. Et puis, après, il y a eu Foucault, il y a eu ça. Alors que lui restait tout à fait en dehors. Il n'y a qu'à voir les éditeurs, n'est-ce pas, qui ont édité Jean Galevitch. Il était toujours en dehors de ce qu'on appelle les grandes. Et en même temps, il n'est pas si éloigné que ça de ses grands contemporains que sont quand même des gens comme Lévinas et Derrida. Ils partagent, en fond, le même problème, mais avec une solution tout différente et qui explique la différence aussi de réception, il me semble. Ils partagent quand même ce problème du langage qu'il hérite aussi de Bergson, à savoir qu'on ne peut pas dire le réel avec les mots dont on dispose, qu'il faut travailler le langage. Sauf que, qu'il s'agisse de Derrida ou de Lévinas, il travaille le langage par une sorte d'hyper-dialectique et d'hyper-critique aussi du langage, alors que Jean Kelevitch, comme Bergson, va d'emblée à l'intuition, à l'innocence. Ce qu'il appelle innocence vise aussi l'intuition, l'immédiat. On ne dépassera le langage qu'en ne s'en souciant pas, en écrivant, dans la pureté de la simplicité de l'âme et de l'esprit, d'une certaine façon. On dépassera le langage par le haut, sans même s'en soucier. Dès qu'on commence à réfléchir à ces mots, alors là, on est piégé. Et c'est ce qui explique, d'une certaine façon, il me semble, que ce sont des gens peut-être également profonds à leur manière, mais que effectivement, comme Lévinas ou Derrida surtravaillent le langage, ils créent des concepts, qui créent des modes, qui créent des cénacles, alors que comme Jean Kelevitch sous-travaille le langage, je dirais, dans l'intuition, dans l'innocence, ça ne peut créer aucune mode. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, voilà, allons dans la pureté des mots les plus simples de la langue, la conscience, le mensonge, l'ironie, la méchanceté, tous ces mots apparemment si légers et dans lesquels il nous plonge, mais directement, il y a quelque chose d'assez magique, je trouve. La méchanceté, c'est à la fois, tout le monde sait ce que c'est, le petit enfant à l'école maternelle, et en même temps pour la saisir. Bon, mais c'est pas comme la différence avec un A de Derrida, mais je crois que c'est le même problème avec des solutions différentes et qui créent des effets sociaux très différents. Je crois qu'effectivement, on peut pas se faire une mode avec la méchanceté, une philosophie de la méchanceté ou de l'ironie, c'est impossible. Et pourtant, de toutes les phrases de Bergson, je pense que celle qu'il préférait était la suivante : en ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Voilà. Et à la fin, quand nous découvrirons cette simplicité, dit-il, nous nous demanderons comment se fait-il que nous n'y avions pas pensé plus tôt. C'est extraordinaire, ce mot. Je voudrais dire un mot sur le mélange de conformisme et d'anticonformisme, parce que c'était le personnage le plus anticonformiste qui soit. C'est quand même, il faut bien le noter. La manière dont il faisait cours était absolument stupéfiante, toujours debout, avec une espèce de posture de chanteur. On ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas un piano plutôt qu'une estrade à côté de lui. Et tout écrit sur un tout petit bout de papier. Il n'a jamais porté de lunettes. Cet homme n'a jamais enseigné jusqu'à 70 ans, et même peut-être plus, il n'a jamais porté de lunettes. Et il déchiffrait ce grimoire dans un mélange de ton scolaire, de ton complètement scolaire, d'instituteur et d'improvisation qui était stupéfiant. Et c'est très curieux ce mélange de conformisme et d'anticonformisme dans l'écriture, parce que à la fois il écrit et parle d'une façon complètement inattendue, comme vous l'avez tous dit, à savoir avec des mots comme la méchanceté et des mots qui ne font pas floresse. Et en même temps, il reste complètement scolaire. Il fait des plans et des subdivisions et des subdivisions de subdivisions comme on n'oserait pas en faire à une leçon d'agrégation. Oui, puis il invente aussi des mots très compliqués. Il se sert de mots grecs, truffés de mots. Le traité des vertus est bourré de citations grecques et latines, incompréhensibles maintenant par nos contemporains. La sémelle factivité. Alors, je crois qu'il faudrait là faire intervenir un mot. Tout ça est extraordinairement paradoxal. La philosophie de Jean Kelevitch est curieuse parce qu'elle a tenté de... Robert Maggiore. de faire l'impossible, quoi, c'est-à-dire de jouer avec des objets impossibles. Le temps, par exemple. Il fallait entendre Jankélévitch, effectivement, parler du temps. Il dit, mais comment voulez-vous que je parle du temps, puisqu'il me faut du temps pour parler du temps, et que le temps que je vais mettre à vous parler du temps sera effectivement le temps que je mettrai à vous expliquer ce qu'est le temps, mais nous sommes déjà dans le temps. Ah bien, le temps, c'est la philosophie. C'est le maître problème, c'est le problème par excellence de la philosophie. Il a tous les caractères du problème philosophique, n'est-ce pas ? Évanouissant, et je ne trouve rien de plus beau et de meilleur que la phrase de Saint-Augustin à propos du temps, n'est-ce pas ? Quand on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je sais ce que c'est. C'est pour moi une évidence merveilleuse. Mais dès qu'on me demande ce que c'est, alors je m'embrouille, je commence à chuchoter, à barguigner, je ne sais plus où j'en suis. Et donc je ne peux reconnaître son évidence que de loin. Et de près, il me fuit. L'homme est tout entier temporel. Le temps n'est pas, la temporalité n'est pas un caractère, entre autres, de l'être humain, mais c'est l'homme des pieds à la tête, ou comme on dit quelquefois de part en part, c'est l'homme tout entier, qui est en chair et en os, qui est temporel. L'homme, c'est le temps lui-même. Je dis quelquefois que c'est comme... une temporalité à deux pattes, qui va, qui vient, qui marche. Il est le temps incarné. Jean Morel. Pour lui, l'homme est toujours le temps à deux pattes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marche. C'est quelqu'un qui marche, vous savez, je me souviens avoir, le premier article que j'avais écrit sur lui, n'est-ce pas, c'était, j'étais parti de Des pas sur la neige, de Bussy. Je pense qu'il y a chez Jankélévitch une expérience première qui est celle de la marche. Et la marche vers l'autre, ou la marche avec l'autre. Ça, c'était un marcheur formidable. Enfin, il arpentait comme ça. Isabelle Jean. Il s'en allait à grandes enjambées. Oui, il marchait dans la ville. Ça, c'était un marcheur de la ville. C'était pas du tout un campagnard. Hein. Il n'aurait jamais fait de la randonnée. Comme... Mais alors, dans la ville, oui, il faisait des kilomètres. Il n'a jamais fait court. Ah si, ça n'existait pas. Et comme il n'avait pas de notes... Il arpentait l'estrade et il arpentait la vie et il traversait comme ça le c'est une figure bon oui il traversait la cour de la Sorbonne en marcheur, en conquérant. La temporalité n'est pas, comme diraient les Anglais, un caractère adjectival de l'être humain, mais le temps est substantiel. C'est l'être tout entier qui change. Il n'y a pas un être permanent qui, secondairement, modifierait ses caractères extérieurs, de telle sorte que le temps serait pelliculaire, périphérique, mais l'homme est vraiment temporel jusqu'en son centre. Il y a chez Vladimir Jankélévitch, Quai aux Fleurs, une photo magnifique de lui, inconnue, sauf de ceux qui ont eu le privilège d'y aller, de lui en train de marcher. C'est probablement la plus belle photo qui soit de lui, et donc il marchait beaucoup, comme le dit sa nièce, Isabelle Jean. Jankélévitch n'était pas de ceux qui pensent assis. Mais plus fondamentalement, il me semble que pour penser le temps, il faut faire abstraction du temps. Mais comment faire abstraction du temps alors que je suis moi-même temporel de part en part ? Si je suis le temps à deux pattes, comment est-ce que je vais faire abstraction du temps pour en parler, tout simplement ? Frédéric Worms. C'est-à-dire, le temps, nous y sommes sans le savoir la plupart du temps. C'est ce que veut dire aussi la phrase de Saint-Augustin. Si personne ne me le demande, je le sais. C'est-à-dire, nous vivons dans le temps sans nous en apercevoir. Le problème du temps commence avec la philosophie, justement. C'est-à-dire, quand les faits les plus simples deviennent aussi les plus mystérieux. Et là, Jankélévitch est justement ce penseur à la fois de l'évidence et du mystère. Comme il dit à un moment, à propos de la vie est ce qui va de soi tout le temps, mais le fait de vivre est le plus grand mystère. Donc, il y a le temps où nous vivons, le temps... dès que nous y réfléchissons, devient le plus grand des mystères. Et puis le troisième degré, c'est comprendre que la solution au mystère est dans l'évidence dont on est parti, c'est-à-dire dans ce que nous faisons dans le temps, que le temps ne passe pas sans nous, ou à côté de nous, ou à travers nous, ou ni cosmique, une sorte de cycle éternel des étoiles, ni atomique. Il est vraiment ce que nous faisons, le pas. Et alors là, le pas du marcheur, le pas de danse, le pas du professeur qui avance, le rythme, sont vraiment une manière de vivre le temps tout le mystère étant de tout le problème étant de saisir la solution du mystère dans le mystère, enfin de ne pas être dans l'évidence naïve sans le mystère, ni dans le mystère sans l'évidence, mais tout à coup de se rendre compte que c'est ça. Et ça, je crois que c'est donc le temps, c'est la musique, c'est la marche, c'est la parole. Et d'une certaine façon, encore une fois, j'insiste, et en même temps, il faut pas s'en contenter. Il y a aussi des concepts, des questions. Et sans les concepts, les questions, les mystères, la philosophie, en d'autres termes, il n'y a pas non plus le temps. C'est ça qui est très frappant. Il dit le temps, c'est la philosophie, mais aussi le temps a besoin de la philosophie, comme la philosophie a besoin du temps. Il ne faut pas en faire une sorte de pure mystique non plus, je dirais, sans concept. Elisabeth de Fontenay. Je veux dire que j'aime énormément cette expression « l'homme est un temps à deux pattes ». Parce que vous savez, on dit toujours de son vieux chien « il est devenu un estomac à quatre pattes ». Et là, il y a une manière justement très jean-calévitchienne de parler au rat des pâquerettes pour dire des choses absolument essentielles. Et puis, à propos du temps à deux pattes, là, je pense aussi à son expression de vérité éternelle à deux pattes aussi, car non seulement l'homme est du temps à deux pattes, c'est pas qu'il circule, mais il est également porteur. C'est comme il dit quelquefois, c'est un Dieu privé d'éternité. Il est en même temps porteur de vérité éternelle, et ces vérités éternelles, eh bien, auront fait trois petits tours avant de disparaître, partir. Alors, il y a une notion qui n'est pas encore intervenue, qui est la notion d'innocence, qu'il définit très précisément comme l'heureuse transparence d'une âme qui s'oublie elle-même en sa chose. Est-ce qu'Elisabeth de Fontenay ? Je suis très frappée par une phrase de Morel, de Jean Morel, « La marche vers l'autre ». Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte Jean Morel, la marche vers l'autre ? Et en y réfléchissant, c'est bien tout ce qui fait la singularité de Jean Kalevitch, c'est que le rapport au temps, qu'on peut métaphoriser par la marche, effaçant le plus possible l'instance personnelle de l'ipséité, est un temps vers l'autre, est une marche vers l'autre. C'est peut-être la clé de ce renoncement à soi-même dans l'écriture, dans la doctrine qui était la sienne, puis il y avait quand même un fond de doctrine. Peut-être que l'explication, c'est précisément qu'il y a un vecteur du temps. C'est pas seulement le temps pour la mort, c'est que ce temps qui est une marche va vers l'autre. Il dit, dans quelque part dans l'inachevé, il dit « c'est temporellement que je médite sur le temps. Le travail philosophique est un cercle où l'on tourne sans fin, courant derrière le temps qui fuit. » Il y a une phrase de Pessoa qui dit « si le cœur pouvait penser, il s'arrêterait de battre ». Est-ce que ça vous semble correspondre, en définitive, à cette recherche aporétique qui caractérise la pensée de Jean Kalevitch ? Frédéric Worms ? Oui, je crois que d'une certaine manière, la clé du problème du temps, c'est même pas la clé du problème du temps, elle est avant lui et après lui, c'est l'instant. C'est-à-dire, et dans l'instant, il y a effectivement, comme disait Elisabeth de Fontenay, il y a l'innocence, mais il y a la rencontre aussi, la rencontre avec l'autre. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que marcher, c'est aussi toujours marcher vers l'autre, qui marche vers nous, que l'autre pouvant être le monde sensible, pouvant être la beauté des choses, pouvant être aussi d'ailleurs le mal. Il y a toujours chez Jean Kalevitch des instants merveilleux et des instants désastreux, des instants terribles, et des instants fatales. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a jamais d'instant neutre, en tout cas. C'est toujours polarisé chez lui. C'est le philosophe de, non pas de l'intuition, on pourrait dire, mais de l'émerveillement d'un côté, de l'indignation de l'autre. Et c'est jamais juste l'intuition pure et simple. Et la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre qui fait qu'on marche jamais tout seul, on tourne pas non plus en rond sur son estrade. Il y a aussi des étudiants qui écoutent. Et cette marche correspond à ce qui se passe peut-être dans leur pensée quand ils écoutent. Et il y a une rencontre. Moi, je suis très frappé aussi, je voulais peut-être juste revenir sur un point sur le temps, parce qu'il y a un dialogue manqué avec la phénoménologie, peut-être pour deux raisons, une raison aussi d'affinité philosophique. Jean Kalevitch se présentait un peu, peut-être trop vite, comme un philosophe de la vie, avant même la guerre, comme un philosophe de la vie contre les philosophes rationalistes, plutôt du côté de Bergson ou de Simmel que de Husserl. Et il avait peut-être tort, parce qu'il y a effectivement chez Husserl le présent vivant, il y a aussi un souci de la vie, mais ce qui a fait manquer le dialogue, c'est surtout la guerre, c'est surtout cette rupture un peu tragique pour toutes sortes de raisons, mais aussi celle-là, à savoir ce dialogue manqué qui nous a empêché de voir dans Jean Kalevitch cette étrange conjonction, assez rare, peut-être unique, d'un philosophe de la vie et d'un philosophe de la mort. C'est-à-dire que Bergson est un philosophe de la vie, du temps, qui dépassera toujours l'instant fatal de la mort. Heidegger est ce philosophe de la mort, le temps vient de la possibilité de la mort. Et Jean Kalevitch, curieusement, et c'est pas si fréquent encore une fois, mélange les deux, enfin mélange, non pas mélange les deux, mais unit les deux. à la fois cette sorte d'expérience vitale toujours présente et cette sorte de mystère que ce fait de la mort vient justement interrompre cette évidence de la vie. Et donc là, il y a quelque chose d'unique que je mets au même plan, d'une certaine manière, que certains textes de Sartre ou de Merleau-Ponty, mais avec qui le dialogue a été impossible pour des raisons historiques et plus que profondément philosophiques, il me semble. Donc là, il y a un dialogue manqué à restituer si on veut comprendre, au fond, sa place dans le siècle et dans notre temps aussi aujourd'hui, il me semble. Il a besoin de l'absence et du déchirement, et même de la mort, pour passionner ses attachements. C'est dans le malheur qu'il prend conscience du caractère précieux de ses attachements. Qui dit précieux, dit précaire, n'est-ce pas ? Et ceci, sans jeu de mots. La mort est bien là pour nous le faire sentir, puisque sans la mort, la vie des êtres qui nous sont chers, sans la possibilité de mourir, sans le caractère unique, irremplaçable, incompensable, fragile, de l'existence de quelqu'un qui nous est cher, cette vie ne nous serait pas si précieuse. Oui, la mort chez Jean Kélévitch, c'est une ouverture à la métaphysique. Ça fait quand même un drôle d'effet de penser qu'un jour, quand, peut-être tout à l'heure en mangeant des fraises, encore une expression que je tire de chez lui, nous aurons fini d'exister et nous ne le saurons même pas. Et cela même vous induit à vous demander qu'est-ce que je suis en train de fabriquer là, quel sens est-ce que ça pourrait avoir, et quelque part il dit, n'est-ce pas, l'absurdité même d'une vie qui n'aurait aucun sens, l'absurdité est notre seule chance. Il dit ça, je crois, dans la finale de la mort. Il n'y a pas de meilleur, instinct métaphysique que celui qui vous vient de la découverte de votre propre mort. Tout à coup, vous découvrez, si vous y faites attention, si vous ne regardez pas seulement les tentures funéraires, la musique, El Dies Irae, vous apercevez tout à coup que vous êtes venu en ce monde et que vous n'êtes pas fichu de savoir pourquoi, et cependant, et alors là, trois points de suspension. C'est comme si vous demandiez à un virtuose comment il fait pour jouer les études transcendantes de Liszt. Alors à ce moment-là, il s'arrête, il a le vertige, et puis il abandonne le piano. Vous le troublez, n'est-ce pas ? C'est comme quand c'est un acrobate qui tient sur un pied à la flèche de Notre-Dame ou de Dôme des Invalides. Si vous lui dites comment faites-vous, eh ben il tombe dans le vide, n'est-ce pas ? Surtout ne lui parlez pas, ne lui dites rien. Il tient debout tant qu'il est innocent, tant que vous ne lui dites rien. L'artiste joue avec l'immédiat comme le papillon avec la flamme, un jeu acrobatique et périlleux. Pour connaître intuitivement la flamme, il faudrait non seulement voir danser la petite langue de feu, mais épouser du dedans sa chaleur. Joindre à l'image la sensation existentielle de la brûlure. Le papillon ne peut que s'approcher de la flamme au plus près, frôler sa chaleur brûlante et littéralement jouer avec le feu. Mais si, avide de la connaître encore mieux, il vient imprudemment à pénétrer dans la flamme elle-même, que restera-t-il de lui, sinon une pincée de cendre ? Connaître la flamme du dehors en ignorant sa chaleur. Ou bien connaître la flamme elle-même en se consumant en elle. Savoir sans être, ou être sans savoir. Tel est le dilemme. La philosophie est une acrobatie qui se meut sur des pointes. C'est un poète grec de l'anthologie qui disait une lame de rasoir, n'est-ce pas ? Quand on est sur une lame de rasoir, quand il parle de l'occasion. Eh bien, la philosophie consiste en cela même, c'est-à-dire de parler de choses évanescentes qui sont plus fragiles que la flamme d'une allumette, qui sont tout près de s'éteindre et qui s'éteignent, non pas seulement à cause de l'épaisseur du corps, de l'instinct, de la société qui rend conventionnelle, qui banalise tous nos mouvements du cœur, mais à cause de la conscience elle-même. Or, la conscience est le privilège de l'homme. C'est par la conscience que l'homme est un homme. Alors comment peut-on m'interdire de prendre conscience ? ce qui permet de saisir l'immédiat, le fait même d'être en vie, l'immédiat est toujours à notre portée, est aussi ce qui nous en éloigne constamment. Frédéric Worms. J'aurais envie de dire que la solution est dans l'intensité. C'est-à-dire que, évidemment, tous les instants, d'une certaine manière, se valent en tant qu'instant, mais quand même, il parle du virtuose, il parle de l'acrobate. C'est pas non plus. On peut remplir cet instant d'un sens qui est quand même plus intense chez le virtuose que chez celui qui annonce du piano, même si même celui qui annonce est dans l'absolu d'une certaine façon. Mais celui qui nous fait prendre conscience de l'absolu, c'est celui chez qui l'absolu est le plus intense. Il y a des degrés dans l'absolu, on pourrait dire. Et donc, le virtuose nous apprend que bon, nous devons faire du piano, même modestement. L'acrobate nous apprend que le moindre pas est déjà dans l'absolu. Donc, moi, je dirais la solution est dans l'intensité. En tout cas, il ne nous initie pas à la facilité. Voilà. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, mais à la simplicité, peut-être. Ouais. Mais à la simplicité, mais certainement pas à la facilité. Car cet homme qui s'est toujours moqué des grammairiens pointilleux, des types qui étudient le solfège, qui ne parlent que du solfège, lui qui s'est toujours moqué de ces gens-là, n'a jamais pensé un seul instant qu'on en conclurait qu'il ne faut pas faire de solfège et pas faire de grammaire. Au contraire, il faut pousser la grammaire suffisamment loin pour pouvoir enfin l'oublier. Le solfège ne doit plus nous embarrasser quand nous démarrons le deuxième mouvement de la fugue, ou le troisième, ou le cinquième si on est à l'orgue avec le pédalier. Il faut toute ce terrible travail pour avoir l'esprit libre, pour être enfin donné tout entier à l'instant qui vient, d'où peut-être surgira quoi. Autrement dit, rien n'est plus difficile à atteindre que la simplicité. Est-ce que ça n'est pas tout simplement la philosophie de Jankélévitch, une école du risque et de l'humilité? Alors, il ne faut jamais oublier qu'il a enseigné à Prague, dans sa jeunesse. Bien sûr. Donc, qu'il a vécu les premières années, les années où, je crois, il faisait sa thèse sur Schelling. C'est-à-dire qu'il a eu constamment devant les yeux ces statues baroques qui sont toujours en déséquilibre, sont toujours sur le point de tomber, et qui ne sont retenus dans leur chute, dans leur sublime chute, que par la grâce de Dieu. Et il y a évidemment, dans l'œuvre de Jankélévitch, dans son écriture, dans sa pensée, une importance considérable du gratuit, du gracieux, et peut-être de quelque chose comme la grâce, qui serait en quelque sorte transposée du religieux au philosophique, que je n'arrive pas bien à analyser. Mais ça me semble quelque chose de très important quand on parle de cet homme en équilibre sur le dôme des Invalides, quand il parle de l'innocence, et quand on parle de virtuosité. C'est génial, ça. Bergsonisme est une tentative pour se remettre directement en contact avec la réalité sans intermédiaire, sans moyen terme, sans rien d'interposer, d'intercaler, d'interjeter, d'interpoler, sans rien qui soit inter. Il n'y a rien entre. C'est un philosophe de l'immédiat. Dès le début, il apparaît que pour Bergson, la vérité a été comme embrouillée à plaisir, par les fantasmes, par les mirages, alors qu'elle est là tout près, en nous. Il n'y a qu'à l'accueillir, un peu comme le gibier dont parle Platon dans La République. Il y a donc cet optimisme fondamental qu'on lui reste reproché, qu'il conduit bien souvent à dénoncer les problèmes comme des faux problèmes, comme des pseudo-problèmes, comme il dit volontiers. Les problèmes sont nés, dans bien des cas, selon lui, par des malentendus, par des obstacles imaginaires créés par le langage, par les conventions sociales, et qui n'ont pas de réalité. Ce ne sont même pas des obstacles à tourner. Et bien souvent, Bergson considère le problème comme purement et simplement inexistant. Parménie des Zénons, Zénon d'Élée, interdisait à Achille de rattraper la tortue, au javelot d'atteindre son but, et en réalité, ce problème n'existait pas, et de même, les difficultés relatives à la liberté s'évanouissent comme par enchantement, c'est le cas de le dire, pour quelqu'un qui reprend contact avec le réel. Bergson réclame en somme de nous une vision ingénue de la réalité, et il n'est pas loin de penser que, au fond, c'est notre timidité, notre lâcheté, la panique du contact, en somme. Et par conséquent, pour lui, cette reprise de contact consistera à élaguer les végétations parasitaires, tout ce qui est principe de prévention, et tout ce qui nuit à la transparence de cette vision ingénue. Et l'homme est remis donc en présence, sans préjugé, sans parti pris, de cette réalité. Et l'idée de la perception pure, qui est une limite, comme il le dit lui-même d'ailleurs, est une sorte d'extase. La perception pure est une extraversion totale et absolue de la conscience. C'est, et Bergson le dit lui-même, l'objet en personne, l'objet lui-même, qui est présent à l'homme dans la sensation. Et surtout pas une image mentale. Quel est l'objet de l'art ? Henri Bergson. Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Alors qu'est-ce qu'il nous demande, et qu'il nous demande également dans le rire, dans le livre du rire, parallèlement à matière et mémoire, à cet égard, c'est oubliant les souvenirs importants, les associations, les idées toutes faites, les schèmes, les symboles nés du langage, de revenir à une vision virginale des formes, comme chez Cézanne, comme dans la peinture contemporaine. C'est la limite extrême d'une intuition artistique, au fond. L'objection, surtout, et c'est celle que l'on a faite déjà de son temps, c'est de quelle manière une philosophie est possible, puisque quand on adhère aux choses, quand on les regarde à bout portant, c'est-à-dire au contact immédiat de la chose. Mais alors, comment un art est-il possible ? De la même manière pour la philosophie. Eh bien ça, je crois que c'est le paradoxe même du bergsonisme et le secret même de l'intuition. Je crois que l'intuition, c'est surtout une espèce d'art acrobatique de penser les choses au plus près, presque en étant dedans, jusqu'au point où étant dedans, vous ne pourriez plus les penser. Si vous êtes trop loin, alors le recul et le retrait et la conscience excessive vous permet peut-être de les connaître, mais vous ne saisissez plus leur vérité. Et si vous êtes dedans, alors vous connaissez leur vérité de toutes parts, mais vous pouvez plus en parler, comme un papillon qui autour d'une flamme. Si le papillon est trop loin, il n'a de la flamme qu'une image froide et comme objective et abstraite, et puis s'il est dedans, il brûle. Alors comment faire pour avoir l'intuition de la flamme ? C'est un jeu acrobatique d'être à la fois dedans et dehors, de la frôler, d'être tangent à la flamme, jusqu'au point où vous disparaîtriez, vous seriez embrasé par elle. De même de l'homme et de la vérité. Vous frôlez la vérité au plus près, dans un instant éclair, la vérité est objet d'une introvision, d'une intuition, qui est dans laquelle à la fois vous la vivez et la pensez. Vous êtes à la fois être et savoir. Alors comment faire pour être et savoir à la fois ? Il s'agit d'être un acteur et en même temps un spectateur qui est capable d'en parler. Alors comment les choses ne s'excluent-elles pas ? Je crois que c'est ce qu'il voulait dire quand il disait « penser en homme d'action, agir en homme de pensée ». Et bien ça veut dire être à la fois dedans et dehors, immanent et transcendant. Un homme d'action est dedans, ne pense pas quand il agit. L'homme de pensée, au contraire, est dehors. Et quand il pense, il n'agit plus. Il y a une sagesse qui réalise paradoxalement les deux, qui les fait entrer l'un dans l'autre. Et c'est ça, à mon avis, le paradoxe, le grand paradoxe du bergsonisme, le plus difficile à comprendre peut-être, mais le plus important. en penser ce qui ne saurait être pensé, comme en penser l'impensable, en se rapprochant au plus près, comme un papillon qui se rapproche de la flamme et qui, c'est moi le papillon, enfin qui va se brûler les ailes quand il entrera dans la flamme. Avant de revenir sur le fond du propos de Vladimir Jankélévitch, je voudrais faire une petite parenthèse quand même, passer par son bestiaire. Il parle de la tortue, la fameuse tortue, qu'Achille, mathématiquement, ne peut pas rattraper, puisque l'espace qui le sépare de la tortue, pourtant il va plus vite qu'elle, mais l'espace qui le sépare de la tortue est un espace divisible à l'infini, et donc il ne la rattrape jamais, ce qui était le fameux argument des éléates pour démontrer qu'en fait le mouvement n'existe pas et qui a été repris par Bergson pour dire qu'en fait la mathématique ne pouvait pas penser le mouvement. Et puis il y a aussi le papillon dont nous avons parlé tout à l'heure, ce papillon qui se brûle les ailes à la flamme dont il se rapproche. À cela il faut ajouter une flore de quelques végétations parasitaires. Quelques remarques, votre sentiment sur cette écriture, cette langue vivante, c'est un privilège pour un philosophe de penser par image de cette façon. Lucien Jaffagnon. C'est extraordinairement mouvant. Ça fait tout de même bien des années, j'allais presque dire des siècles, que je le lis et le relis. Et je ne m'y suis jamais ennuyé parce que j'ai presque l'impression de... Mais l'aurait-il aimé, ça peut-être, de le réécrire en même temps que lui. Peut-être oui, je pense qu'il l'aurait souhaité sans le souhaiter, tout en le souhaitant, parce que il aurait su qu'à partir de là, je recréais autre chose qui n'était pas lui. Ça n'est pas, on ne susote pas un auteur. On vit avec lui, pour devenir, non pas pour devenir soi-même et s'en réjouir, mais pour s'ouvrir soi-même à d'autres intuitions, celles peut-être qu'il n'a pas su et qu'il aurait aimé avoir, etc. Lire Jankélévitch, c'est une épreuve parce qu'on finit toujours par se regarder soi-même, puisque nous sommes à chaque instant bouffés de conscience. On se finit par se regarder toujours soi-même, mais on évite et on veut aller vers ce vers quoi il nous a dirigés. Hein, ça serait ça que je dirais. Frédéric Vams. Oui, moi aussi je trouve ça extraordinaire, et à tel point que ça lui a nuit d'une certaine façon, autant qu'à Bergson a nuit la supposée magie de son style et la fluidité de ses images et le prix Nobel de littérature qui nous permettait de dire bon, c'est pas un bon philosophe, mais il écrit bien. Et je crois que ça leur a paradoxalement beaucoup nuit, parce que derrière les images il y a des concepts, derrière le bestiaire il y a ce que Deleuze appelle des personnages conceptuels, qui sont des personnages, qui sont des êtres vivants d'une certaine façon, qui animent un discours vivant, mais qui sont aussi des concepts. Donc il y a la tortue, mais il y a aussi Achille, et puis derrière la tortue et Achille, il y a Parménide et Zénon, et en face de Parménide et Zénon, il y a, disons, Diogène qui prouve le mouvement en marchant. Mais ce qui intéresse Jankélévitch comme Bergson, c'est bien le problème du mouvement quand même. Et il suffit pas de le prouver en marchant, il faut montrer philosophiquement que la marche répond au paradoxe théorique du mouvement pour notre connaissance. Et donc là, on peut pas se passer de philosophie. Donc là, je crois qu'il y a quand même, il faut à la fois se laisser porter par la magie du style, comprendre qu'elle répond à un problème philosophique, c'est-à-dire que par pur concept, on n'y arrivera pas, mais aussi comprendre que derrière les images et les personnages et la magie du style, il y a les problèmes philosophiques et les concepts. Jankélévitch, quand il recourt à une image, enchaîne sur la chose dont il propose une image, mais aussi toujours en même temps sur l'image elle-même. Et c'est là que je crois que le concept et l'image sont totalement intriqués l'une dans l'autre dans son écriture. Et puis, il n'y a pas seulement les images, quand on parle de son style, il y a une syntaxe très particulière, très, très, très logique. Il est très logiciste à sa manière, hein. Très logique, mais en même temps dans une sorte de précipitation et avec certains moments des catapultages qu'il souligne, qui font de son écriture la photographie de sa parole. On peut peut-être prendre un tout petit exemple dans ce qu'on a entendu, c'est le papillon qui a l'intuition de la flamme. L'intuition est bien là le concept philosophique d'intuition, c'est-à-dire la connaissance sans intermédiaire d'une réalité absolue, et en même temps, elle se donne à travers l'exemple du papillon et de la flamme. Et donc, ça c'est, je crois, quelque chose de très caractéristique de ce mélange de l'image et du concept dans un seul mouvement qui, en effet, fait qu'on se pose pas la question. Est-ce que c'est de l'image ou du concept? On est dedans. Je crois que Bergson est d'une certaine façon, lui, qui a été tant loué pour ses images, plus tranché. Il y a d'un côté l'image, la métaphore, de l'autre côté, la précision du concept. Jankélévitch, lui, les fonds. Dans l'un et l'autre cas, nous n'avons droit qu'à une demi-vérité. Ce que nous voudrions, c'est la vérité totale, d'être ce que nous connaissons et de connaître ce que nous sommes, de cumuler l'un avec l'autre. Or, comme de toute façon, il faudra se décharger de l'un, que nous n'aurons de toutes les manières qu'une demi-solution, être sans connaître ou connaître sans être, qu'est-ce que vous aimez mieux, un corps sans tête ou une tête sans corps? Il y a de quoi hésiter, n'est-ce pas? On ne saurait le dire. Que préférez-vous, être sans connaître ou connaître sans être? Ce dilemme, en réalité, et d'alternative, est tellement insoluble que, métaphysiquement, il n'y a pas de raison, j'entends des raisons motivantes, de choisir l'un plutôt que l'autre. On choisit l'un ou l'autre par une option aveugle, par un pari, un peu comme dirait Pascal, par un acte militant, drastique, par un geste gordien, comme celui d'Alexandre le Grand, coupant le nœud du tranchant de son épée. On ne peut que trancher ce débat, on ne peut pas vraiment le résoudre. Je vous poserai une question. Est-ce qu'on pourrait dire que Jankélévitch est dans une philosophie du continu? Lucien Jaffagnon. Oui, je me suis posé moi-même la question. Je crois qu'il essaie toujours. Il sait très bien qu'au fond, il n'y aura jamais aucune solution. Solution lui, de continuité solution au sens de solution d'un problème. Il n'y aura jamais de solution, il le savait trop bien. Et ça l'ennuyait. Ça l'ennuyait beaucoup parce que, au fond, il n'aurait pas détesté qu'il y en eût une. Et il aurait aimé qu'un jour, quelqu'un prononça le fameux dernier mot que nous attendons depuis le début, depuis la création du monde, puisque Dieu a absolument voulu qu'il y ait un commencement à tout. Peut-être un jour, quelqu'un aurait dit, mais il savait très bien que ça n'était pas possible, mais ça aurait été si bien si ça avait pu se produire. Et peut-être même si ce dernier mot, il avait eu la chance de le dire lui-même, non pas pour se dire merveilleusement, oh c'est extraordinaire, j'ai dit le dernier mot, car tout philosophe entend bien mettre fin à la philosophie. Ils sont tous comme ça. Et après, cieux, écoutez ma voix. Il n'était pas du tout comme ça, lui. Mais ça aurait été si bien si un jour il avait vu, entrevu, vu, et cette fois pour l'éternité, la vérité. Alors là, vous interprétez ma question comme s'il s'agissait d'une continuité entre la vie ici-bas et quelque chose comme la vie éternelle. Et ça, je me rappelle quelque chose qui s'est passé à la radio où il a été absolument sublime, où quelqu'un lui a demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Alors, il a répondu, non, non. Et ça vous satisfait, vous? Ça vous satisfait? Voilà, c'était non, rien après la mort, mais en même temps, le désir déçu reste intact. Voilà. Il dit très précisément, je ne me satisfais pas de mon anéantissement. C'est l'hypothèse de l'anéantissement qui ne le satisfait pas. Mais Lucien Jaffagnon, est-ce que vous n'avez pas envie de penser, quitte à vous attacher à certaines de ses paroles plutôt qu'à d'autres, que Jankélévitch croit en Dieu? Je ne me suis jamais posé la question parce que d'abord je me méfie beaucoup de l'idée de Dieu dans laquelle on a fourré tellement de choses je suis moi-même extrêmement prudent. Je dirais que je suis un agnostique mystique, si ça vous fait plaisir, ou un mystique agnostique. Mais à partir du moment où vous mettez quelque chose sur le concept de Dieu, si vous en faites, alors bon, vous arrivez à des images, hein, ce sont des mythes, à partir des mythes, vous construisez une de ces images de Dieu absolument extraordinaire, celle qui vous va le mieux, non. Et puis vous dites aux autres que c'est la seule. Hein. Alors là, non, Jankélévitch, c'était... Peut-être aurait-il bien aimé qu'il... n'aurait peut-être pas détesté qu'il y en eût un. Bon, comme il était très attaché à, comment dirais-je, à son identité juive, il savait que le monde juif avait avait un dieu. Un dieu qui était d'ailleurs assez, disons, pas toujours comme Jean Kalevitch l'aurait exactement souhaité, mais croyait-il en Dieu ? Je ne me suis jamais posé la question. Vous voyez, je n'ai jamais osé me poser la question. Frédéric Vams. Moi, le sentiment que j'ai là-dessus, c'est un sentiment proche, c'est-à-dire en le lisant. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question « est-ce que je crois en Dieu d'une manière comme ça générale ?» Mais je crois que quand il est émerveillé par la nature ou par un geste de charité, là, il croit qu'il y a quelque chose de merveilleux et il s'émerveille, il s'extasie. Mais inversement, quand il voit, quand il entend les récits sur Auschwitz, les enfants percés de piqûres de phénol, quand il entend n'importe quel acte méchant, d'ailleurs, du plus simple peut-être jusqu'à la barbarie la plus terrible, là, je crois que non seulement il ne croit pas en Dieu, mais il jette des pierres au ciel. Hein, et je crois qu'il n'y a pas de milieu pour lui, il me semble, entre d'un côté s'émerveiller, de l'autre côté jeter des pierres au ciel. Alors, et ça permet juste de répondre d'un mot à la question d'Elisabeth de Fontenay sur le continu, parce qu'elle est profonde. Je crois que chez Bergson, comme chez Jean Kalevitch, le continu, oui, mais qui se présente toujours comme des totalités singulières et indivisibles. Ce que Jean Kalevitch, justement, à propos de Bergson, et il a admirablement montré ça, appelle les totalités organiques. Ce qui fait que le pas d'Achille, il est continu, bien sûr, mais il fait un tout, et c'est ça qui lui permet de dépasser le pas de la tortue. Et donc, bien sûr, c'est le continu, mais c'est surtout un continu qui fait bloc, qui fait instant. Et je crois que Jean Kalevitch s'est plus intéressé à ces blocs d'instants, de singularité, qu'à l'écoulement du temps chez Bergson. Il parle plus de ça que de la durée. Et donc, on rejoint toujours ça. C'était un bloc d'instant, un mouvement, un acte terrible ou un acte merveilleux. C'est quelqu'un qui nous donne le singulier à la fois de manière continue et discontinue, qui sont des catégories qu'il faut dépasser. Juste un instant, il faut quand même revenir encore une fois sur cette histoire d'Achille et la tortue pour bien comprendre, pour que ce soit bien compréhensible. C'est un paradoxe en apparence insurmontable. La tortue est à 10 mètres d'Achille, Achille va deux fois plus vite que la tortue, mettons, ils s'en rapprochent, mais s'ils sont à 1 cm l'un de l'autre, quand Achille aura parcouru ce centimètre, la tortue aura elle-même parcouru un demi-centimètre, et ainsi de suite, à l'infini. Achille et la tortue se rapprochent mathématiquement à l'infini, mais ne se touchent jamais, et pourtant, Achille dépasse la tortue. De la sorte, il y a effectivement deux ordres qu'on pourrait d'ailleurs qualifier l'un l'ordre de l'explicatif, de l'explication de ce qui relève de la mathématique, et l'autre l'ordre peut-être de la compréhension ou de l'intuition. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette alternative ? Bien entendu, le paradoxe de Zénon est insurmontable en tant que tel. Comme vous venez de le présenter, évidemment, il est insurmontable. Mais il s'agit moins de penser deux ordres entre lesquels on serait balancé qu'effectivement deux manières de comprendre, non pas d'ailleurs le même problème, mais une évidence, un fait, et le problème qui en surgit inévitablement. Et je crois que pour Bergson comme pour Jean Kalevitch, c'était l'image même de notre pensée devant le réel. Et qu'il en est du mouvement comme il en est de la vie. Nous la vivons, nous sommes dedans, et pourtant, dès qu'on y réfléchit, ça devient absolument inexplicable. Comment, à partir d'une molécule venant de tel corps et d'une autre venant d'un autre corps, on fait un être humain? Comment, enfin, il y a plus d'un mystère dans l'être, et je crois vraiment que celui du mouvement, Zénon en même temps, tous les deux disent que c'est une sorte de génie de la métaphysique, qui a inventé la métaphysique, sans lequel il n'y aurait pas de philosophie, parce que ce mystère qu'Achille ne rattrape pas la tortue, et bien sans ce mystère, le mouvement ne serait jamais devenu une évidence et une réalité. Et si l'espace est divisible à l'infini, c'est qu'il n'y a pas d'atome, il n'y a pas d'insécable. Donc cette théorie, tout ce qui tourne autour de Achille ne rattrapera pas la tortue, c'est une machine de guerre aussi contre le discontinuisme des épicuriens. C'est pour ça que je posais une question sur le continuisme ou le discontinuisme. C'est que cette affaire de Zénon, c'est une manière de dire que la matière est continue, qu'il n'y a pas des éléments de la matière ultimes et irréductibles les uns aux autres. Lucien Jaffagnon. Oui, j'étais en train de penser, justement, en vous écoutant, que c'est le fameux problème de l'un et du multiple qui revient perpétuellement tout au long de la philosophie de l'Antiquité. Or, chez Bergson, je crois que Bergson devait être, je dis devait être, je suis très prudent, certainement un peu gêné par le monde scientifique qui l'entourait. ce monde scientifique, si vous voulez, où on savait qu'au bout de son travail, on trouverait enfin la vérité un jour, une vérité qui serait scientifique, pur jus, etc. Or, au temps de Jean Kelevich, on était déjà descendu passablement de ce genre de certitude. Il avait donc, si vous voulez, il pouvait s'adonner peut-être plus librement que ne l'avait fait Bergson, vous me corrigerez, au plotinisme dont il avait... comme votre indigne serviteur d'ailleurs, pour qui il avait un véritable culte. C'est aussi, enfin, Jean Kelevich parle fréquemment d'ailleurs du positivisme au ras des pâquerettes qui caractérisait l'université à l'époque où Exactement. Il y enseignait. Mais je voudrais revenir un instant sur la question qui après tout nous occupe, qui est quand même l'essentiel, la question de la réalité. Est-ce qu'on peut définir, au regard de ce qu'il dit, la réalité tout simplement comme ce qui reste du monde ? Une fois qu'on lui a enlevé, une fois qu'on l'a soulagé, de tout ce qu'on interpose entre lui et nous. Est-ce que finalement la réalité, ça n'est pas le monde moins ce que l'homme y dépose ? Il y a une chose qui me gêne depuis le début, si vous voulez, c'est que il n'y a pas de théorie de la connaissance chez lui, du tout. Alors, ce genre de problème, et chez Bergson, il y a une théorie de la connaissance, ce genre de problème, je ne sais pas s'il est vraiment pertinent chez... Jean Kelevich. Non, mais je vous demande comme une digression à partir de ce que vous avez lu de lui. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est que la réalité, quand on dit ceci, la question de la réalité, d'une question sur que puis-je connaître ? Non. Frédéric Worms. Je serais peut-être pas entièrement d'accord avec vous sur ce point, parce qu'il me semble que c'est vrai qu'il a toujours traité de réalité avec un S, oui. C'est-à-dire de réalité précise, qu'elle soit d'ailleurs... métaphysique ou morale, enfin, la bonne conscience, la mauvaise conscience, l'ironie, etc. Mais il s'est efforcé de dégager des catégories générales et il a même écrit une philosophie première qui, pour moi, est son livre le plus mystérieux. Peut-être d'ailleurs, mais j'ai eu une discussion assez vive à joie avec un de ses lecteurs, peut-être d'ailleurs celui où il se force un peu à faire sa métaphysique générale et aussi une théorie de la connaissance quand même, la théorie du, c'est là qu'apparaît le je ne sais quoi, le presque rien, enfin, et, au fond, ça joue le rôle, disons. Ça occupe la place d'une théorie de la connaissance, presque. Oui, là, eh bien, comme nous faisons tous, il fait ce qu'il peut, mais lui, il le fait avec génie. Il faudrait philosophie faire première, avec génie. Mais alors, justement, vous dites qu'il le fait avec génie. Le génie, c'est peut-être tout simplement le biais par lequel on peut qualifier la coïncidence rarissime, intuitive, brévissime, le clignotement, le battement de cils de l'être et du savoir, non ? Est-ce que le génie, est-ce que le génie ou l'artiste, d'ailleurs, n'est pas quelqu'un qui, loin de nous éloigner du monde pour nous en présenter un autre, nous montre tout simplement, immédiatement, de façon non médiée, donc, le monde tel qu'il est. Et c'est là qu'on en revient justement à la question de la réalité. Oui, en lisant Philosophie première, vous vous apercevez que vous savez des tas de choses que vous ne saviez pas savoir. Et non pas matériellement, vous n'en savez pas plus sur les cas d'égalité des triangles, vous n'en savez pas plus sur les verbes irréguliers espagnols, mais vous savez tout à coup que... D'abord, vous savez que vous ne saurez jamais le dernier mot, comme nous disions tout à l'heure. Et vous apercevez que la philosophie, c'est autre chose. Philosopher, c'est vivre aux aguets. Thank you. Il y a quelque temps, un homme que l'on savait malade est mort dans la maison au-dessus de chez moi. La nuit de sa mort fut étrange. J'ai l'habitude de travailler très tard. Et un soir, vers une heure, j'ai entendu dans la maison et dans l'escalier des bruits qui n'étaient pas familiers. Un remue-ménage insolite. Puis tout est redevenu paisible. En pleine nuit, dans le silence de l'hiver qui était très profond, j'ai immédiatement compris que la mort avait frappé à la porte du voisin. Mais comment ai-je compris? C'est presque impossible à dire. Quand j'ai entendu ces bruits étranges, j'ai eu comme un pressentiment, ou mieux, un sentiment d'anomalie par rapport à la continuation de l'existence. Et ce sentiment tenait tout entier dans la nature des bruits et l'heure à laquelle ils s'étaient produits. Vladimir Jankélévitch, quelque part dans l'inachevé. Dans ce récit tout à fait frappant, est-ce qu'on n'a pas une définition de deux choses l'une, soit de l'intuition, soit peut-être d'un autre terme qui lui était précieux, qui était le terme d'attention, qu'il nommait toujours en russe, vnimanie, Frédéric Vorst. Et peut-être plus encore que tous ceux-là qui sont pourtant présents, le je ne sais quoi, c'est-à-dire au fond la catégorie centrale quand même qu'il a réussi à formuler et qui a été prise à la légère à la fin de sa vie et de son œuvre, le je ne sais quoi et le presque rien, mais là on sent bien que toute réalité profonde se révèle justement dans le je ne sais quoi. Et la philosophie première, c'est pas une théorie de la connaissance, mais c'est une théorie de l'inconnaissance, on pourrait dire. C'est-à-dire une théorie des moments où quelque chose se révèle, mais en même temps dans l'inconnaissance absolue de pourquoi, comment. Mais alors qui renvoie à une connaissance supérieure. Voilà. Tout à fait. Cette histoire de cette page extraordinaire des bruits de l'appartement me semble devoir être mise en rapport avec quelque chose dont il parlait souvent, c'était les petites perceptions de Leibniz. Il en parlait très souvent. Et en fait, je crois que ce qui rend compte de cette intuition de la mort de quelqu'un à travers ces bruits un peu bizarres à cette heure nocturne, c'est une sorte de prise de conscience des petites perceptions. C'est-à-dire, les petites perceptions, pour Leibniz, sont cette accumulation de perceptions inconscientes. Inconscientes, le mot est employé par lui, qui, en grossissant, vont constituer des perceptions. Et il y a donc tout un involontaire et tout un passif et tout un inconnu qui fait sol. Et c'est sur ce sol que va se développer la perception distincte et la connaissance. Et bien, je crois que Jankélévitch, quand il écrit cette page, mais aussi dans beaucoup d'autres pages, est tout à fait au niveau des petites perceptions qui sont en train de devenir conscientes, ce qui est très paradoxal. Oui, je pensais à l'étymologie d'intuition, in. Tout et or, je regarde à l'intérieur. On s'offre le luxe, soudainement joyeux d'y parvenir, de rejoindre l'intérieur, par exemple, d'une personne, disons d'une âme, si vous voulez, pour faire joli, ou d'une personne, alors qu'on n'en regardait jusqu'à présent que l'extérieur. Justement, toutes ces perceptions, qu'elles soient mineures, soient majeures, tout à coup, elles nous avaient servi. Mais tout à coup, on s'aperçoit qu'elles ne nous servaient pas jusqu'au bout et qu'il y aurait peut-être une autre perception. Et cette perception-là, elle rejoindrait ce par quoi ce quelque chose ou ce quelqu'un est lui-même est surgi. Pour employer la même problématique qui est celle de Jankélévitch, qui surgirait à chaque instant de, je n'ose pas dire du néant, puisque du néant rien ne surgit, mais comme dirait Plotin, qui procède, qui vient d'un absolu, si vous voulez. Le contingent sort à chaque instant de l'absolu, d'un absolu que nous ne verrons jamais, que nous entreverrons peut-être, qui nous laissera la nostalgie d'une prochaine entrevision. exactement comme Plotin de temps en temps avait comme ça, cette haplosis, c'est-à-dire cette simplification haplos, là, d'un seul coup, au milieu de tout ce, de ce brouhaha, de tous ces bruits, de ce fourmillement, etc. Tout à coup, ça y est, soudain, et plus rien. Il y a un absolu relatif, et c'est cela qu'il faudrait comprendre, et je crois bien que celui qui le comprendrait, le jour où il l'aurait compris, comprendrait mieux la position de l'homme. Et en prenant à bras le corps cette contradiction, en effet incompréhensible, d'une relation presque absolue. La connaissance de l'immédiat est une relation presque absolue. Mais attention au mot presque, qui n'a pas lui-même un sens scalaire, ou un sens de progrès, même infinitésimal, comme il peut l'avoir pour la géométrie, par exemple, mais qui a un sens métaphysique. Et car si ce presque avait un sens d'approximation, c'est pourquoi il faut faire très attention, même quand on manie ce mot, cet adverbe, car tous nos mots sont à l'image du langage, ce mot pourrait désigner une approximation. Et en ce sens, une connaissance presque absolue n'est pas absolue, car absolue, on l'est ou on ne l'est pas. Comme quelqu'un qui dirait à un amant qui dirait à celle qu'il aime, je vous aime presque. Alors elle l'enverrait promener avec son presque. On l'aime ou on ne l'aime pas, n'est-ce pas? Puisqu'elle aime presque, c'est qu'elle n'aime pas du tout, c'est qu'il n'aime pas du tout. Le quasi, ici, suffit à détruire l'absolu. C'est donc pas de ce presque de l'approximation dont il peut être question, mais d'un autre presque irrationnel, insaisissable, et qui fait que, entre le relatif, le relatif qui est vraiment relatif et qui est dans l'enchaînement discursif, et l'absolu, absolument absolu, l'absolu absolu lui-même des théologiens, il y a irrationnellement, entre l'un et l'autre, un seuil, une limite de l'instant presque absolu, qui est la rencontre instantanée de l'homme avec l'immédiat. Une liminarité, pour refaire penser au mot seuil, une liminarité sans épaisseur ni continuation d'intervalle, et par conséquent dans laquelle il est contradictoire de faire séjour. Oui, ça me rappelle moi tout à fait aussi Leibniz, parce que le je ne sais quoi, c'est une invention de Leibniz aussi au départ. Donc, comme si la perception distincte était environnée par le bas, par les petites perceptions. L'exemple de Leibniz, c'est les gouttelettes d'eau qui forment la vague que je perçois. Moi, je ne perçois que la vague, mais en fait, pour percevoir la vague, il a bien fallu que je perçoive des myriades de gouttelettes. Et donc elles y sont. Et au-dessus de la perception distincte, il y a le je ne sais quoi. L'exemple de Leibniz, c'est le peintre qui met sa dernière touche sur son tableau. Et il dit, j'arrête. Et si on lui demande pourquoi c'est fini, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est fini. Et ça, c'est pas une perception inférieure, c'est une perception supérieure. Et là, on est exactement dans ce que vous venez de décrire. Et je crois que Jean Kelevitch, en ce sens, était profondément leibnizien, et contre Descartes, en dessous et au-dessus de la perception distincte, il se passe des tas de choses. Je perçois des gouttelettes, le peintre perçoit son tableau, la perception distincte, là. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en fait, le je ne sais quoi, c'est un biais par lequel on accède à une connaissance supérieure. Supérieure, absolument. Oui. Ou intérieure. Supérieur ou intérieur? Il vaut mieux dire intérieur, mais nous considérons volontiers que arriver à l'intérieur, c'est quelque chose de supérieur. Et puis c'est pas seulement une connaissance, c'est aussi l'amour. C'est-à-dire je l'aime, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est pas seulement de la connaissance, c'est jamais seulement de la connaissance. Mais je pense au Parfum, le livre de Patrick Susskind, vous savez, avec cet homme qui a un nez surdéveloppé, il sent toutes les odeurs, ou en tout cas une infinité d'odeurs qui sont par nous insoupçonnables. Pour cet homme-là, le monde redevient infini. Ce que nous traversons sans nous en apercevoir, lui le vit intensément. Est-ce que l'intuition, ou communément appelé, vulgairement appelé le sixième sens, ça n'est pas tout simplement un sens comme les autres, ou plus exactement tous nos sens, mais peut-être plus affûtés. Bergson disait en ce sens que l'artiste, justement, levait en un sens, et il laisse planer l'ambiguïté sur cette expression, le voile qui nous sépare du réel. On peut dire ça, et je crois que il faudrait ajouter à notre réflexion sur l'intuition quelque chose sur quoi il a tellement insisté dans toute son œuvre. Et ça a été le titre d'un de ses livres, L'Occasion, le Kairos. Le Kairos. La fée occasion, il disait. La fée occasion. Et c'est pour ça que ça, je crois que ça échappe à une théorie de la connaissance. C'est-à-dire saisir l'occasion, et puis l'occasion, si elle est passée, on ne peut pas l'attraper par les cheveux. Comme c'est dit dans un poème de Machiavel sur l'occasion. L'occasion, c'est pas une question de connaissance, Si, c'est une question de connaissance, mais c'est surtout une question de rapport au temps. Est-ce qu'on peut parler de connaissance? On retrouve la question de l'instant. Si à l'instant, je ne saisis pas l'occasion, s'il avait continué à écrire ce qu'il était en train d'écrire parce qu'il avait cours le lendemain et qu'il n'avait pas été aux aguets, comme vous l'avez dit, les uns et les autres, s'il n'avait pas été aux aguets, s'il n'y avait pas eu quelque chose de passif en lui, le kairos, l'occasion de ce bruit bizarre au-dessus, n'aurait pas été immédiatement compréhension du fait que quelqu'un était mort. Est-ce qu'on peut parler d'une connaissance tragique? Non pas parce que l'événement en lui-même est une tragédie, mais parce que la connaissance se veut une rupture justement dans l'ordre courant des choses et une perception aiguë de l'instant dans sa plénitude. Je crois qu'effectivement, en tout cas, le point commun avec le personnage du parfum, c'est que comme Bergson, d'ailleurs... Jean-Baptiste Grenouille. Oui, Jean Kelevitch dénonce comme Bergson les limitations de notre connaissance habituelle, de notre connaissance pratique, de notre quotidien. Et alors, évidemment, elles sont parfois levées, ces limitations, alors par un défaut physiologique, comme pour le nez qui, de tout à coup, perçoit tout, par une sorte de génie artistique. Et je crois qu'effectivement, le philosophe, par excellence, c'est celui chez qui est levée la méconnaissance de l'instant. Et alors, c'est ce que vous disiez, tout à coup, peut-être chez certains esprits particulièrement attentifs, il y a une attention à tous les instants, une sorte d'hyper... Et dont la vie quotidienne nous rend impossible. C'est-à-dire que je crois que la connaissance tragique, là, dont vous parliez, le problème, c'est qu'elle nous est masquée par les besoins de la vie courante, et non pas par hasard, mais par des nécessités. Peut-être que nous ne pourrions pas vivre si nous étions toujours attentifs à toutes les occasions, à tous les instants. Alors, vous parliez des besoins de la vie courante. Dans le texte que Bergson lisait lui-même, l'extrait que nous avons entendu, Bergson explique en somme que l'ennemi, c'est cette vie quotidienne sinistre qui nous fait préférer l'utile au détail. Sinistre mais nécessaire. Mais inévitable. Il faut bien vivre. Hein. Il faut bien vivre, absolument. Il faut bien vivre et vivre impose de choisir et de prélever, de sélectionner dans le réel, mais également d'être inattentif à ce à quoi l'artiste s'attache. Est-ce qu'on peut considérer, Lucien Gerfagnon, que le fait que Jean Kelevitch soit si attaché à Bergson et à cette dimension du bergsonisme, est-ce que cette filiation ne fait pas de la pensée de Jean Kelevitch, en un sens, une certaine forme d'hédonisme, ou en tout cas un éloge de la vie vraiment vécue? Oui, hédonné, le plaisir, c'est ça. Alors on pense à toutes sortes de gens de l'Antiquité qui ont promu cette philosophie. Ben, je pense que si Jean Kelevitch était hédoniste, peut-être était-ce pour faire plaisir aux autres, et non pas pour se faire plaisir à soi-même, comme les hédonistes de l'Antiquité. S'il écrivait et s'il parlait avec cette alacrité, ce goût des trouvailles qui rendent le lecteur, mais qui le rendent joyeux en même temps que secoué, ben, c'est justement parce que il veut que ce plaisir engendre chez son lecteur ou chez son auditeur, non pas le désir de dire « mon Dieu, ce qui parle bien ou ce qui écrit bien, c'est ce qui est idiot, ce qui était tout à fait étranger à sa pensée et à son caractère », mais lui donner envie de réussir quelque chose de ce genre pour son propre compte, simplement pour le plaisir, parce que quelque chose aura avancé si quelqu'un est heureux. Rendre heureux quelqu'un par le style. Peu de gens usent de cette volonté de bonheur et de cet hédonisme-là. Beaucoup de livres sur le plaisir sont tels qu'on aurait presque envie d'entrer chez les Carmes Deschaux, n'est-ce pas? Alors que chez Jean Kelevitch, vous avez cette profusion dont je ne me suis jamais lassé, tout récemment encore, je relisais Philosophie première, et je le relis exactement comme je relis mon maître de toujours depuis l'âge de mes 24 ans, comme je relis Plotin. Rendez l'exercice de leur liberté aux défunts que nous sommes tous, aux automates fascinés par le lac obscur, aux morts-vivants de la défaite quotidienne. Donnez-nous de ne pas retomber dans les profondes ténèbres. Donnez-nous à la fois la quiétude du devenir et l'ivresse de la liberté. La durée sage et la minute heureuse. La paix de ce soir et la joie de ce matin. La beauté du geste, avec la voix de Vladimir Jankélévitch et avec Elisabeth de Fontenay, Lucien Gerfagnon, Frédéric Worms, Archive Ina, Hervé Evano. Les textes sont lus par Isabelle Carré, Georges Kless. Le groupe de réalisation, Marie-Christine Closet, Michel Mestre, Bernard Laniel et Jean-Michel Coqui. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 août 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, deuxième rendez-vous de cette série de cinq, la mort ou l'expérience de l'impensable.